fais pas de bill, chérie. Te fais pas de bill. Alaga singa sunga laga sum. Alaga singa sunga laga sum. Alaga singa sunga laga sum. Alaga singa. Alaga singa sunga laga sum. Alaga singa sunga laga sum. Alaga singa sunga laga sum. Alaga singa. Yum papa ya ya yum papa ye ye. Papa ya ya yum papa ye ye. C'est bien chérie que mon amour pour toi était débile. Aux yeux de tes amis tu me fais passer pour un débile. Emmène-moi dans un pays où les gens sont moins imbéciles. Je suis sûr que notre amour sera moins difficile. Tes copines te disent que notre amour est plutôt banal. Elles veulent absolument le transformer en bacchanal. Quand on s'aime passionnément c'est pas tout à fait normal. Le faut anéantir le conjugal. Que fais pas de pile, que fais pas de pile. Si tout le monde pense que je suis débile. Un monde hyper imbécile. Ne fais pas de pile, ne fais pas de pile. Si tout le monde pense que je suis débile. Ne fais pas de pile, ne fais pas de pile. Nous vivons dans un monde hyper imbécile. Yum papa ya ya, yum papa ye ye. Shabalabadede, shabalabadede. Yum papa ya ya, yum papa ye ye. Mais me désirer, fais-le sans rien penser. Par les parasites, évite de te laisser mener. Tes petites copines déçues te mènent par le bout du nez. Si notre amour s'en laisse, c'est que tu te laisses influencer. J'ai sorti de ma tête toutes les vieilles pensées négatives. Reviens tout près de moi, je ne veux pas que tu récidives. Approvisionne ta tête de réflexion hyper positive. Demain, on va s'aimer, sois attentive. Ne fais pas de pile, ne fais pas de pile. Si tout le monde pense que je suis débile. Ne fais pas de pile, ne fais pas de pile. Nous vivons dans un monde hyper imbécile. Tout le monde pense que je suis débile. Ne fais pas de pile, ne fais pas de pile. Nous vivons dans un monde hyper imbécile. Trinidad et Tobago, Antigua, Saint Kitts, Montserrat. Good morning, I love you. Un monde hyper imbécile. À la casinga, sous à la casou. À la casinga, sous à la casou. À la casinga.